Alceste pour la suite, l'occasion d'attaquer là l'aspect hexagonal avec une diffusion de groupes venus des cinq coins de France et de Navarre. Alceste donc la formation, l'emblématique formation de post-black shoegaze qui nous sort là un superbe septième effort studio, cinq ans après le Spiritual Instinct. Cette compo d'une recette toujours lumineuse, identifiable et ma foi fort apaisante. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'ouverture de ce nouvel Effort Studio. Très bon voyage. toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Voilà, petite session hexagonale maintenant. Du Nord à Bordeaux, il n'y a qu'un pas, comme il n'y a qu'un pas entre le Death Old School et le Black. Skeletal et Theth. Skeletal, formation Death Old School qui nous vient de la région lilloise, donc d'inspiration Entombed et même le putrid Death des premiers Morbid Angel, Evil Death. Within Corrosive Continuums, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On s'écoutera l'extrait Eyes Soon Moth Fall. Et sept, ensuite, les vétérans du black metal français venus de région bordelaise, donc la France des maudits, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Season of Mist. On s'en écoutera l'extrait, et que vive le diable, très très très éloquent, ce morceau de sept, qualitatif, bien représenté donc par rapport à l'album dans sa généralité. C'est parti. Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, et une petite doublette de nouveautés, Reclaimed et Repurgator. Reclaimed, tout d'abord, ça nous vient de région parisienne. On est sur du Metallic Hardcore bien mouse. C'est un premier EP qui vient de sortir, des textes ultra engagés, une recette musicale assez classique. Cependant, on ne tombe pas dans la facilité, et voilà, il y a un superbe équilibre entre hardcore et metal extrême. Ça tabasse sec, Reclaimed, à découvrir avec le sourire, tant qu'on a des dents. Repurgator, ensuite, une première signature death metal sur le label nantais Lord Ellie Noir. Ça nous vient également de région parisienne. Une demi-heure d'un death type vraiment US old school, qui va glaner aussi bien du côté de la sauvagerie d'un Dayside que du côté ultra groovy d'un Cannibal. Rien de neuf sous le soleil, mais c'est solidement exécuté, et puis bah, le rendu global est vraiment chouette. Reclaimed, on s'écoutera le titre Strike, extrait de l'EP Dead End. Repurgator, Plague Death, extrait de l'album Fovea Inferno, et d'ailleurs le visu est vraiment chouette, et on est presque sur du Evil Death, Blackening Death visuellement. C'est parti. la doublette suivante, Eldramar et Father Beefold. On fait un sacré écart musical. Eldramar, tout d'abord, un one-man band épico-atmosphérique black metal venu de Norvège. Hein, la version lumineuse avec un peu plus de guitare de Summoning. Troisième effort studio qui voit le jour en 10 ans d'existence. Suite au très très bon Dark Forgotten Past qui était sorti en 2017. Hein, 7 ans donc entre les deux albums. 6 titres pour une quarantaine de minutes, d'une tourzette toujours aussi donc lumineuse et aérienne, quelques petites influences shoegaze post-rock qui passent très bien sur ce nouvel effort studio, l'album un peu plus court, hein, ce que le précédent atteignait l'heure de musique. Father Beefold, ensuite le groupe de Death Doomisant qui nous vient d'Atlanta aux US, vient de sortir donc là un nouvel EP actif depuis près de 20 ans. Ça commence à faire une sérieuse discographie, 5 albums, 4 EP. Et sur ce nouvel EP, 3 titres inédits, une cover de Morbid Angel, il s'intitule Pain Divine, ce nouvel EP, et on est toujours voilà sur ce Death Doomisant bien baveux qui sointe les égouts. Les présentations sont faites, on va s'écouter les titres suivants. Eldramar with Forces Good and Evil, extrait d'album Astral Journey Part 1 Creation, Father Beefold Abomination of Flesh, extrait de l'EP donc Immaculate Pain. Thank you. on approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir avec Phaéton et Norna en avant-dernière doublette. Ça, c'est des groupes qu'on vous a présentés la semaine dernière. Phaéton, tout d'abord. On est sur du heavy epic anglais qui a vu le jour en plein Covid en 2020. On y retrouve des membres qui viennent notamment de Craven Idol et autres fans. Et là, on est dans un registre assez éloigné du black, un premier EP qui a vu le jour en 2020, donc, et en août de cette année, le premier album a vu le jour chez Gate of Hell. 8 titres pour une quarantaine de minutes d'un heavy bien épique et assez old school, avec une approche en termes de prod, de son assez actuelle. Ça va chercher dans les influences Vieux Manowar, Mercyful Fate, Bathory et même Siri Sun Goal. Voilà, un petit peu d'occulte proto-metal extrême, hein. Bon, on n'est pas non plus dans le heavy speed ou le speed trash. Mais voilà, dans l'ensemble, ça rend vraiment super bien, et je trouve que le chanteur a une chaleur dans la voix qui apporte à la qualité globale des compos. L'album est une vraie réussite. En doublette avec Phaéton, on va retrouver Norna, formation 100%, j'allais dire norvégienne, pas du tout, formation internationale qui va osciller entre la Suisse et la Suède, active pareil depuis 4 ans, formation Covid dans une veine post-sludge, et enfin post-metal, sludge, etc. Un deuxième album a vu le jour chez Pelagic Records, 6 compos pour 40 minutes, bien massive, abrasive à souhait, qui va chercher dans les plus grandes références du nom, à savoir Cult of Luna et Amen Ra. Le vocaliste du groupe, c'est pas un petit débutant, il s'agit de Thomas Albom, qui a notamment été la voix de l'influent groupe de post-hardcore suédois Breach dans les années 90. Voilà, le gars se donne une seconde de jeunesse avec cette récente formation Norna. Phaéton Must Fall, extrait d'album Wilder of the Steel. Norna, on écoute le morceau Samsara, extrait de l'album éponique Norna. C'est parti, éponyme et pas éponique, fatiguez-moi. Et voilà, c'est déjà l'heure de la doublette de clôture dans l'émission de ce soir. Une doublette tout en violence et sans tendresse. Teeth et Viscera Infest. Teeth, tout d'abord, formation californienne de death metal, active depuis une petite dizaine d'années, qui vient de sortir son troisième effort studio. 40 minutes pour 11 compos, des titres assez courts, ça suffit comme durée, parce qu'on est sur un death oppressant, malsain. Pareil, c'est pas simple à appréhender, hein, alors on n'est pas dans la veine d'un Pyron non plus. Mais ça va chercher, encore une fois, dans les références d'un Ulcerate et autres Gorguts, même si là l'approche est un peu plus frontale et moins cordiale. On retrouve des membres de Tsumplanti, le collectif latino-américain, voilà, qui va chercher autour de Xibalba notamment. Voilà, il y a zéro tendresse, zéro cordialité au niveau du line-up et de leur musique. Viscera Infest, ensuite, pareil, cordialité zéro. La formation japonaise de Speed Gore Grind, active depuis 25 ans, vient de sortir son seulement troisième effort studio. Bon, le groupe est pas mal présent sur scène et un peu moins en studio. 10 ans se sont écoulés depuis le second album, 10 titres pour 40 minutes de leur toujours Cockroach Blast Beat Grindcore, et on clôture l'album avec une cover de Disgorge. Les présentations sont faites. Teeth, on s'écoutera le morceau Realm, extrait de l'album The Wheel of Hate. Viscera Infest, Teratoma, extrait de l'album du même nom, une sortie sur label japonais Obliteration Records. Sur ce, excellente fin d'écoute, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao ciao.